Puis il y en a certains, comme on ne travaillait pas l'heure du matin. Ah bon? Si on travaillait l'heure du matin, puis on ne travaillait pas l'heure d'après-midi. Mm. Ben, il y en a qui commençaient à travailler le mardi, le mercredi. Ah. Alors, temps perdu, travailler, ils passaient la nuit chez eux pour attraper. Mm. Ou bien ils faisaient de ce temps-là, on appelait ça des chiens. On prenait du travail, on le faisait payer, il n'était pas commencé. Alors, comment ça la semaine suivante? Il fallait déjà faire les chiens. Mmh. Alors, pour ça ne marchait pas. Mmh. Rattraper. Oui, alors ça a tombé de petit à petit comme ça, l'électricité.